Coco Chanel. Diferente para ser insubstituível. Programa de Ana Margarida Rebolo. Quand la neige de décembre voltigeait sur les chaumières, que de contes, que de fables nous racontait le grand-père. Il savait les mille histoires qui cheminent sur la terre. La plus belle était l'image qui chantait un grand amour. C'est du cœur d'un doux poète qu'un matin elle naquit. La voici naïve et tendre, aussi fraîche que jadis. En veston jaune et pantalon bleu pervenche, dans sa calèche il venait le dimanche. Dans la grande rue l'attendait rose et blanche, mademoiselle Isabelle son amour. Trottinant sans trop de zèle, la jument faisait leur bonheur. À l'abri sous une ombrelle, en cadence battait leur cœur. À 20 ans, comme tant d'autres, il dut quitter son Isabelle, en jurant à son amour de lui rester toujours fidèle. Tous les jours, il lui cueillait les fleurs nouvelles les plus belles, qu'il jetait dans la rivière qui passait au cher pays. Et les fleurs de ce poète, naviguant au fil de l'eau, apportait à Isabelle le message le plus beau. En veston jaune et pantalon bleu pervenche, dans sa calèche il viendra le dimanche. Dans la grande rue l'attendra rose et blanche, mademoiselle Isabelle son amour. Et plus tard à la chapelle, le curé venu leur amour. Cette histoire est éternelle, chantez-la, c'est à votre tour. Gabrielle Bonheur Chanel, mais conhecida por Coco Chanel, nascida a 19 de agosto de 1883 em Saumur, França, foi uma estilista e costureira francesa, bem como uma bem-sucedida mulher de negócios no campo da moda. Chanel era a segunda filha de Eugénie Jeanne Devoile, uma mulher solteira de origem camponesa que trabalhava na lavandaria do Hospício das Irmãs da Providência, situado nessa localidade na região da Occitânia, e de Henri Albert Chasnel, um vendedor ambulante de roupas. Condições muito precárias. A sua mãe morreu aos 32 anos com bronquite e escutada pelo trabalho e por partos sucessivos. Gabrielle teve 10 irmãos, 5 raparigas e 5 rapazes. Desde então, Chanel passou a inventar histórias sobre a sua vida para ocultar as suas origens. Das muitas histórias contadas por ela, grande parte era tudo inventado. Costumava afirmar que quando a mãe morreu, o pai viajou para a América em busca de fortuna e, portanto, ela precisou de ficar com as duas tias. Coco,

mille pipis de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo? A rapariga é enviada para o orfanato do convento de Albazine, depois de adquirir conhecimentos básicos de costura durante 6 anos em Albazine. Aos 18 anos, Chanel foi enviada para um internato religioso na cidade de Moulins, o Instituto Notre-Dame de Moulins, onde residiam os seus avós paternos, Angelina e Henri Adrien Chanel. Aí aperfeiçoou-se como costureira e encontrou a sua jovem tia Adrienne. Ambas têm quase a mesma idade e a mesma ambição de sair da pobreza. Consideradas aptas a manejar a agulha e a linha. As duas jovens são encaminhadas pelas freiras para Maison Ramper, um ateliê de costura especializado para a confecção de anchovas. Por volta de 1907-1908, muito cortejada, Chanel faz as suas primeiras aparições no La Rotonde, um café-concerto frequentado por oficiais de um regimento de cavalaria. Aspirando uma carreira como cantora, a sua alcunha, Coco, surgiu nessa altura supostamente dado pelos oficiais a partir das canções Cocorico e Kiki Avu Coco, por si interpretadas ou ao termo francês Cocotte. Rodeada por vários jovens oficiais, muitos deles ricos ou aristocratas, acaba por seduzir um deles, Etienne Balsan, herdeiro de uma fábrica de tecidos que fazia uniformes de exército. Balsan e Coco possivelmente foram amantes durante 3 anos, mas mantiveram-se amigos para toda a vida. Paris, une jupe qui danse, un taffetas qui chante sa romance. Mannequin de Paris, une main gantée, un dos follement décolleté. Pour le printemps tailleur du matin, coloris ensoleillés. Et pour l'automne, jolis tons éteints, volés au bois rouillé. Mannequin de Paris, une création. Une ligne inédite en 3 coups de crayon, un chic qui court tout le long des Champs-Élysées et vient bouleverser la mode d'aujourd'hui pour régner demain sur Paris. Faut garder sa ligne, le midi elle déjeune d'un petit sandwich et d'une grappe de raisin, tandis que dans sa tête un garçon beau et jeune murmure ce soir. Métro Saint-Augustin. Mannequin de Paris, histoire d'amour cachée sous un pli de velours. Mannequin de Paris, 6h30, plus que 3 modèles et c'est fini. Des bras, des robes, elle s'échappe alors dans un tourbillon d'espoir. Les bras de l'homme l'attendent dehors, là-bas au fond du soir, puis quittant un jour la métropole, sur les lignes d'Air France, elle prend son vol dans un merveilleux avion aux ailes argentées. Elle s'en va porter au monde ébloui le plus beau cadeau de Paris. Modèle, modèle, modèle, petit chapeau, joli manteau, mode nouvelle. Modèle, modèle, modèle, lui fait envie dans ce Paris, ville modèle. Troquer sa robe de trottin pour ses merveilleux de satin, être la femme dont on dit ma chère, elle est du dernier cri. Si belle, si belle, si belle, volontiers le monde entier pourrait la prendre pour un modèle. Quelque part à Nanterre et pas cher de loyer, c'est Ginette à son foyer. Une vraie ménagère avec un tablier, on dit partout c'est un foyer. Les commissions, les privations et la vaisselle. Modèle, modèle, modèle, de l'affection, des attentions, un bon époux, mari modèle. Deux enfants qui vous font passer le dimanche à repasser, et pour oublier ces tracas, deux fois par an le cinéma. Fidèle, fidèle, fidèle, ainsi l'amour fera toujours de chaque femme un vrai. De notre premier rendez-vous, j'avais mis tout exprès pour toi une robe de soie. Tout au long de cette soirée, j'avais si peur de l'abîmer que j'hésitais même à danser. Tu étais désolée. C'est la robe de et d'un soir si plein d'espoir, j'avais cru que la vie n'existerait pour moi qu'en étant près de toi, même si c'est folie. Par effort et troublant du premier baiser, et moi charmant la fleur ébauchée. C'est la robe d'un soir et d'un soir où plein d'espoir, on s'est dit je vous aime, robe qu'on a rangée de peur et de l'abîmer, l'amour est si léger. Ça se passait un soir d'été, mais le beau temps s'est envolé. Notre amour n'est pas mort et pourtant, il est moins fou qu'avant. L'autre jour, tu m'as supplié voulant évoquer le passé, de remettre un soir pour danser la robe tant aimée. C'est la robe d'un soir, et d'un soir si plein d'espoir, j'avais cru que la vie n'existerait pour moi qu'en étant avec toi, merveilleuse folie. Tout en dansant, tu viens d'accrocher mon jupon blanc. La robe est fanée. C'est la robe d'un soir où plein d'espoir, on s'est dit, je vous aime. La soie comme l'amour se déchire un beau jour, c'est l'histoire de toujours. La soie comme l'amour se déchire un beau jour, c'est l'histoire de toujours. A relação amorosa com Bazin permite que ela se familiarize com o ambiente de alta sociedade. Em 1908, conheceu um milionário inglês, Arthur Edward Capel, que seria o seu grande amor. Capel instalou-a num apartamento em Paris e ajudou-a financeiramente a abrir uma boutique em 1910 no número 21 da Rue Cambon, chamada Chanel Mode, vendendo chapéus, tornando-a conhecida. Em 1913, inaugurou uma loja em Deauville, na Normandia, também com o apoio monetário de Arthur Capel, e em 1915, outra em Biarritz. Aí teve um episódio romântico com o grão-duque Dmitri Pavlovich, da Rússia. Os negócios tornaram-se lucrativos e no ano seguinte tinha recuperado o dinheiro investido. O seu romance com Capel durou 9 anos. Ele nunca lhe foi fiel e veio a casar-se em 1918 com Diana Wyndham, sem ter rompido a sua relação com Chanel. Capel morreu prematuramente em 1919 num acidente de automóvel. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. C'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric. C'est commode d'épaté quand on est argenté et qu'on n'a plus rien à compter. Je cherche un millionnaire, car je sais que ces oiseaux rares veulent placer leurs dollars. Je cherche un millionnaire,

Como costureira, em 1918 comprou o edifício número 31 da Rue Cambon e dois anos depois abriu aquilo que pode ser considerado a primeira loja de moda, vendendo primeiro roupa, chapéus e acessórios e depois acrescentando perfumes e joias. Expandiu o seu negócio adquirindo os 5 edifícios da rua situados entre os números 21 e 31. Em 1920, Chanel já era uma criadora de moda influente. Foi nessa altura que começou a desenhar roupas confortáveis, com tecidos, peças emprestadas do guarda-roupa masculino e saias mais curtas, em contraste com a silhueta feminina rígida da época. Quand je sors du ciné le dimanche soir, quand je repense à la vieille histoire, je me dis en rentrant sur le trottoir, un jour reconnaître un seul jour la grande vie, voir du champagne être bien servi, avoir auto salle de bain, château, sortir du lit à midi, moi la grande vie, j'en ai envie. Là-haut, serré aux places à deux francs, c'était moi, je le croyais, quelle couche, moi que le beau marquis de l'écran embrassait sur la bouche. Quand je sors du ciné le dimanche soir, le ciel est beau comme une romance, lundi le travail reprend, pas pour moi cette existence auprès du marquis de l'écran. Nessa mesma altura, Chanel apaixonou-se pelo jovem Dmitri Pavlovich Romanov, grão-duque da Rússia no exílio, fugido do seu país logo após a Revolução. A sua relação com Dmitri fê-la desenhar roupas com bordados de folclore russo. La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait meh, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage, brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Je la vis passer et sans hésiter. Voyant son regard charmant, je lui dis bientôt: voulez-vous faire un tour en bateau? Oh non, dit-elle en rougissant, j'ajoutais très prévenant: donnez-moi la main, mamselle, et ne dites rien. Mon canot vous semble frêle, donnez-moi la main. Seul sur la rive, vous semblez craintive, n'auriez-vous pas le pied marin? Donnez-moi la main bien vite, vous ne voulez pas. Redouteriez-vous, petite, de faire un faux pas? Lancez-moi votre ombrelle et quittez cet air inquiet. Donnez-moi la main, mamselle, ça y est. Nous voguions très lentement et je l'admirais en pensant tout bas quel sourire frais. Un beau cygne fièrement passa près de nous, elle fit un mouvement si doux que tout à coup, n'y tenant plus, je murmurais très ému: donnez-moi la main, mamselle, et ne dites rien. Puisque l'amour nous appelle, donnez-moi la main. Laissez-moi vous dire que je vous désire, que c'est plus qu'un petit béguin. Donnez-moi la main, bien vite. Vous ne voulez pas, refuseriez-vous, petite, de faire un faux pas? Ouvrez grand votre ombrelle pour nous cacher des curieux. Donnez-moi la main, mamselle, c'est mieux. Puis ce fut le charme exquis du plus doux baiser que sur un bras blanc ma lèvre est posée. Ce baiser m'avait conquis, troublé même au point que je voulus aller bien plus loin. Mais voyant qu'elle tremblait de peur, je compris enfin sa candeur. Donnez-moi la main, mamselle, et ne craignez rien. Pardonnez mon trop grand zèle, donnez-moi la main. Voyez, je suis sage, voici le rivage. Quittons-nous tels de bons copains. Donnez-moi la main bien vite, oui, comme cela. Ne redoutez plus, petite, de faire un faux pas. Reprenez votre ombrelle, faites-moi vos jolis yeux. Donnez-moi la main, mamselle, adieu. Thank you. Na primavera de 1920, Chanel foi apresentada pelo empresário dos Ballets Russes, Sergei Diaghilev, ao compositor russo Igor Stravinsky. Como precisava de uma residência para ficar com a família, convidou-o para a sua Belle Respire, situada em Gares, um subúrbio de Paris. Uma nova coreografia de Léonide Massine para Les Sacres du Printemps estava em curso. Terá apoiado financeiramente, de um modo discreto e colaborado, nesta produção, bem como entre 1927 e 1937, noutros espetáculos de ballet russo. Em 1921, em Monte Carlo, Dmitri Pavlovich apresentou a Samuel Goldwyn, o produtor de cinema norte-americano. Este fez-lhe uma proposta de $1 milhão para desenhar as indumentárias das atrizes da sua companhia. Ela aceitou. Concebeu as roupas de Gloria Swanson no filme Tonight or Never, realizado por Mervyn LeRoy, em 1931, para Ina Claire, em The Greeks Had a Word for Them, realizado por Lowell Sherman, em 1932. Greta Garbo e Marlene Dietrich foram suas clientes privadas. Le ciel est toujours bleu, soleil, il est toujours d'eau chaud. Mais moi, je suis vraiment heureux depuis que j'ai joli chapeau. Chapeau, ça m'est fait distinction. Belle fille ne garde plus que moi. Les chefs me font génuflexion. Oh non, messieurs, je ne regrette pas. J'ai donné toutes mes perles contre un joli chapeau à gentil messier blanc qui est venu par bateau dans la forêt qui chante oiseau de paradis. Malgré ses plumes, n'est pas plus joli. Quand je l'ai sur la tête, les soleils brûlent pas et la belle Paquina veut danser avec moi. Quand je glisse en pirogue tout le long des roseaux, on me prend pour le roi sous mon chapeau. Oh yo, dans ma savane, je me pavane. Oh yo, la vie est belle avec joli chapeau. Avant, je n'avais pas bonheur. Dans l'eau, je plongeais jour et nuit, cherchant des perles et des malheurs. Travail, il n'est jamais fini. Maintenant, ma vie, elle est changée. Depuis que belle Paquina avec moi veut se marier. Oh non, messieurs, je ne regrette pas. J'ai donné perles contre un joli chapeau à gentil messier blanc qui est parti aussitôt. Je donnais d'autres perles quand messier viendra. Il m'apportera chapeau pour Paquina. Oh, la fête de l'eau, nous irons tous les deux. Et le soir dans ma case, nous serons bien heureux. Elle m'a dit qu'elle attend un bébé pour bientôt. Pour lui aussi, je veux joli chapeau. Oh yo, les blancs sont bêtes, ils perdent la tête. Oh yo, la plus belle perle vaut pas joli chapeau. Oh yo, la plus belle perle vaut pas joli chapeau. La plus belle perle vaut pas joli chapeau. La plus belle perle vaut pas joli chapeau. Avec un fil de rêve, avec un fil d'amour, j'ai voulu me créer la robe merveilleuse dont je rêvais depuis toujours. Mais le rêve et l'amour se moquent des fileuses et les fileuses enchantées sous mes doigts ont cassé. Comme j'errais désespérée le long du quai. Moi, je suis là à murmurer la scène. Je sais vêtir ceux qui ont trop de peine. Et c'est ma robe, elle est faite pour toi, douce, soyeuse et robuste à la fois. C'est dans ces plis qu'on atteint tous les rêves, que la misère et la douleur s'achèvent. Pauvre fileuse, et c'est sans peur la robe du bonheur. Je suis restée longtemps, longtemps, bien trop longtemps, prise d'un doux vertige à contempler l'eau sombre qui semblait dire « Je t'attends ». Des lumières dansaient au milieu des trous d'ombre, brisées en leurs rayons, ainsi que des lampions. Et tout dansait, l'eau, la lumière, au long des quais. Moi, je suis là, à murmurer la scène. Je sais vêtir ceux qui ont trop de peine. Ce que ma robe attire sans remords, qui résolus me font don de leur corps. Mais toi qui pleures, où donc est ton courage? Va retrouver les gens qui se croient sages. Elle est pour ceux qui n'ont pas peur. La robe du bonheur. Un petit bout de satin dépassé de la robe d'un trottin qui passait. Un jeune homme intimidé n'osait se dessiner à venir l'aborder. Ce bout d'étoffe attirant l'attention le rendait tout délirant d'émotion. Il rêvait en le voyant de dessous chatoyant et d'un corps ondoyant. Un minuscule petit coin de jupon rose, tout rose, tout rose, entrevu par instant. C'est formidable autour de ça ce que suppose deux choses, un gamin de 20 ans. Mais le jeune homme aperçut, Dieu merci, que la belle avait en plus de ceci un petit corps merveilleux, de longs cheveux soyeux et de fort jolis yeux. C'est pour ça qu'il rassembla tout son courage. Il aborda sous les regards de l'entourage. Pourtant, si le cœur lui manqua d'attaquer le point délicat, il lui parla d'autre chose en tous les cas. Un petit bout de satin dépassé de la robe d'un trottin qui passait. Un jeune homme en fut séduit. Cela les a conduits à s'aimer aujourd'hui. À présent, il connaît tout de son corps, mais ce qu'il aime surtout, c'est encore un petit coin de peau nacrée qu'il surprend en secret dans son col échancré. Un minuscule petit coin de peau tout rose, tout rose, tout rose, embrassé dans le cou. Cela vous fait bien plus d'effet que trop de choses, de choses, de choses, dévoilées d'un seul coup. Espérons qu'il est chippé pour toujours. Mais s'il devait la tromper un beau jour, ne craignez pas la venue d'une belle inconnue s'offrant à demi nu. Un danger bien plus certain pour changer un destin, c'est un petit bout de satin. Coco Chanel elaborou também o vestuário para vários filmes franceses, entre os quais La Règle du Jeu, realizado por Jean Renoir em 1939. Conheceu Luchino Visconti, foi amiga, entre outros, de Jean Cocteau, Winston Churchill e Pablo Picasso. Suas roupas passaram a ser vestidas por grandes atrizes de Hollywood e o seu estilo ditava a moda em todo o mundo. Os seus tailleurs são referência até hoje. Além de confecções, desenvolveu perfumes com a sua marca. Em 1921, criou o perfume que iria convertê-la numa grande celebridade, o Chanel No. 5, cujo nome se deve ao facto de ser a quinta fragrância apresentada por Chanel e porque o 5 era o seu número da sorte. Depois decidiu lançar o número 17, mas este não teve o mesmo êxito que o anterior. Foi ela que inventou as primeiras calças femininas. Desde então, criou alicerces de uma elegância feminina única, ao longo de uma vida de trabalho na qual sempre ocupou um lugar principal. J'exerce mon industrie, je suis modèle, faut bien gagner sa vie. Montrer son corps, ça ne veut pas dire qu'on le donne. Jusqu'à présent, il n'était à personne. Mais le printemps grise, à mon tour je fus prise. Et cette fois, je connus les plus doux et moi. Ce n'est qu'un homme, dites-vous, mais je l'aime alors ça change tout. C'est mon gigolo, ce petit gars falo, avec ses yeux pleins de flammes. Même si j'en sais rien, mais il me prend si bien, qu'à lui je suis corps et âme. Il n'est pas costaud, mais il est si beau, qu'il plaît à toutes les femmes. Et je me dis bien des fois, je voudrais l'avoir seule pour moi. Je l'aime trop, mon gigolo. les rêves passent, c'est pour ça que c'est des rêves. Il est parti, notre idylle fut trop brève. J'ai voulu me tuer, et puis folle de l'outrage, sur l'infidèle, j'allais passer ma rage. Dans ma détresse, j'ai retrouvé ses caresses, et j'ai pensé, je ne pourrais plus m'en passer, qu'ils me reviennent seulement. Je le reprendrai 10 ans simplement. C'est mon gigolo, ce petit gars palo, avec ses yeux pleins de flammes. Même si j'en sais rien, mais il me prend si bien, qu'à lui je suis corps et âme. Il n'est pas costaud, mais il est si beau, qu'il plaît à toutes les femmes. Et je me dis bien des fois, je voudrais l'avoir seul pour moi. Je l'aime trop, mon gigolo. Qu'on lance quelque chose de nouveau, des gens disent aussitôt ce n'est pas beau. Mais la majorité, hommes, femmes ou enfants, trouvera distant la mode des bas d'éléphant. C'est chic, les longs pantalons qui vont le long des talons. Ça vous donne une silhouette admirable. À l'intérieur, messieurs, c'est confortable. Il y a la place pour deux ou pour trois, et l'on n'est pas à l'étroit. C'est une mode vraiment agréable, c'est chic, les longs pantalons. Les hommes qui ne veulent pas faire comme nous et disent que notre genre manque de goût, nous ne leur prêterons pas nos pantalons un instant. Ils ne les rendraient pas car ils voudraient rester dedans. C'est chic, les longs pantalons qui vont le long des talons. Ça vous donne une silhouette admirable. À l'intérieur, messieurs, c'est confortable. Il y a la place pour deux ou pour trois, et l'on n'est pas à l'étroit. C'est une mode vraiment agréable. C'est chic, les longs pantalons. C'est une mode vraiment agréable. C'est chic, les longs pantalons. Après le turbin, l'ouvrier parisien dit à sa femme comme c'est Serge de Bécafé Conter. On va filer bras sous au garé à 20 sous. Mais vite une robe faut dépêcher pour être bien placée. Car il faut, mon coco, entendre tous les capots. Viens poupoule, viens poupoule, viens. Quand j'entends des chansons, ça me rend tout polisson. Viens poupoule, viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. A depressão económica dos anos 30 teve um impacto económico negativo na sua atividade. Com o eclodir da Segunda Guerra Mundial, despediu os trabalhadores e fechou os seus estabelecimentos comerciais. Durante a ocupação alemã, envolveu-se com o oficial nazi Hans Günther von Dinklage. Teve permissão especial para ficar no seu apartamento no Hotel Ritz. Quando a guerra acabou, foi interrogada sobre esta relação pelo Comitê de Purga francês, mas não foi acusada de colaboracionismo. Apesar disso, a opinião pública condenou o seu comportamento como uma traição ao país. Poderá ter sido uma espia ao serviço dos nazis, trabalhando para o general Walter Schellenberg. Chegou a viajar para Berlim e a encontrar-se com Heinrich Himmler. Devido a essas suspeitas, refugiou-se na Suíça em 1945, numa espécie de exílio, numa casa de campo em Roquebrune. E abriu o seu negócio na alta costura. Em 1954, aos 70 anos, financeiramente apoiada por Pierre Wertheimer, os franceses não receberam bem a sua coleção. O seu regresso ao mundo da alta costura só teve sucesso entre ingleses e americanos. Ah, si vous voulez de l'amour, ne perdez pas un jour. Cueillez le bonheur qui passe, captez le printemps. Profitez du moment, allons dépêchez-vous. Vous ça ne sera pas pour vous, la douce. Oh, oh, oh, oh. Ah, si vous voulez de l'amour, ne perdez pas un jour. Oh, oh, oh, oh. Allons, dépêchez-vous, vous, ça ne sera pas pour vous. L'ombre se glisse dans le jardin, l'horloge tisse des sons très lents, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, guettant ma porte, j'écoute un vin, hélas plus rien, plus rien ne vient. Le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli. J'adore tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore. Je l'avoue, mon plus grand regret dans ma perte si cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, coco dans le tronc, coco dans le tronc, coco dans le Trocadéro. Kika kika vu coco et coco et coco, kika kika vu coco et coco. Pauvre coco que j'aimais tant, il est peut-être victime d'un crime. Oh, messieurs, plaignez mon tourment, car il est bien légitime. J'ai beau crier, le chercher, de la Bastille à l'hippodrome, je l'ai partout fait afficher. Je ne ferai pas ça pour mon âme. Vous n'auriez pas vu coco, coco dans le Trocadéro, coco dans le tronc, coco dans le tronc, coco dans le Trocadéro. Kika kika vu coco et coco et coco, kika kika vu coco et coco. Coco Chanel faleceu em 1971, com 87 anos, no Hotel Ritz em Paris, onde viveu ainda alguns anos. O seu funeral foi assistido por centenas de pessoas que, em homenagem, levaram as suas roupas. Quando Chanel morreu, encontraram em sua casa desenhos de roupas para uma nova coleção. Having a worry, having a care, feel like a feather that's floating on air. Fit as a fiddle, I'm ready for love. Soon the church bells will be ringing, then I'll march with Ma and Pa. Soon the church bells will be ringing, with a hey, nonny, nonny, and a ha-cha-cha. Hey, diddle, diddle, my baby's okay. Ask me a riddle, what did she say? Fit as a fiddle, I'm ready for love. A biografia e obra inspiraram um musical da Broadway intitulado Coco, com letras de Alan J. Lerner, música de André Previn, protagonizado por Katharine Hepburn e estreado em 1969. Sobre ela foram também feitos 4 filmes. Faire à Paris en se moquant de la pluie et du vent, du ciel maussade et des nuages gris, pour amener vers nous le beau printemps. Paris connaît la magie et sur les femmes il la fleurit en une seule nuit. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais un chapeau peut le faire à Paris. Il accueillit pour vous fleurs et rubans et les rayons du soleil qui sourit. Printemps, ami, soir de Paris, toutes les femmes ont rendez-vous avec le printemps. Jean-Marc ou Jean-Loup, Gérard ou Jean, l'amour attend et leur tend un piège charmant. Un chapeau fleuri, c'est un peu de la grâce du printemps. qui embellit Paris. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais un chapeau peut le faire à Paris. Il a cueilli pour vous fleurs et rubans et les rayons du soleil qui sourit. Sur vos visages, il tend l'ombre fleurie. D'où vient le plus doux appel? Et le printemps vous appartient avec son arc-en-ciel. Qu'il soit de paille ou qu'il soit de piquet, toc, béret, canotier ou breton, qu'il soit tout simple ou qu'il soit compliqué, c'est un clin d'œil complice à la saison. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais un chapeau doit le faire à Paris. Ainsi paré, l'aventure vous attend, vous êtes femme et vous êtes jolie. On l'appelle Mademoiselle de Paris, et sa vie, c'est un petit peu la nôtre. Sans loyer, c'est la rue Rivoli. Sans destin, c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est petite et mince, et s'il est vrai qu'elle n'a pas grande que du bouquet et des guirlandes, a-t-elle semé sur nos chemins? Elle chante un air de son faux bug, elle rêve à des semaines d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'en son tour, Mademoiselle de Paris. Elle talent qu'elle a pour faire un bel opéra et fil à la porte des lilas, Mademoiselle de Paris. Il fait beau et là-haut, elle va coudre un cœur à son matelot. Mais la cour d'un enfant de Paris, c'est par elle au bouquet de violettes. On l'attache au corsage un samedi, les dimanches on la perd à la fête. Adieu ganguette, adieu garçon, la voilà seule avec sa peine, et recommence la semaine. Et recommence la chanson. Elle chante en aide de son faux bug, elle rêve à des semaines de mort, elle pleure, et plus souvent qu'en son tour, Mademoiselle de Paris. Elle vole à petit pas pressé, elle court vers les Champs-Élysées, dont un peu de son déjeuner un moineau de Tuileries. Elle fait dans, elle sourit, et voilà Mademoiselle de Paris. Este programa teve locução de Ana Cardoso e Miguel Vicente. Realização: Ana Margarida Rebolo. Un jour sans toi, mais c'est le cœur sans bille, c'est de la pluie, de la neige et du froid. Un jour sans toi, c'est des roses flétries, c'est du bonheur qui glisse entre les doigts. Un jour sans toi, pourtant, ce n'est pas bien méchant. Oui, c'est vraiment très court, un jour ce n'est qu'un jour, mais on le croit aussi long que la vie, lorsque l'on doit le passer loin de toi.